dans ton ego. C'est bien moche de être que beau à base de coups de pute et de rêve, et ça se ressent sur le tempo. Trop de cadence dans le cœur, c'est trop de danse avec la peur. Ce genre de sentiment néfaste qui ne s'efface qu'à la sueur. On a perdu le combat, gagné la guerre depuis longtemps. Car au fond, toi tu en rêves, mais nous la paix on l'a dans le sang. On a perdu plein de frères qui donnent leur vie pour tout le reste. Je crois que c'est dur de militer, mais pour cet homme c'était qu'un geste. Se bouger le cul pour son prochain avec des couilles, se rapprocher de la lâcheté, lui reprocher sa haine et puis la repousser. On a gagné le combat, gagné le combat, gagné le combat, car dans le cœur on a la foi. Alors, alors on reste unis en face de Babylone. Nos vies n'ont pas de sens sans les pensées d'un homme. On est des révolutionnaires, révolutionnaires. Alors on reste unis en face de Babylone. Nos vies n'ont pas de sens sans les pensées d'un homme. On est des révolutionnaires. Alors on reste unis en face de Babylone. Nos vies n'ont pas de sens sans les pensées d'un homme. On est des révolutionnaires. Héritier de grands bonhommes, de mal comics au Mahatma, déshérité depuis que l'homme prend plus de risques dans ses repas. Indignons-nous, Renoir Baptou et tous les fils de prolétaires. Ils sont en guerre, on veut la paix, plus de peine pour notre terre. Indifférence et ignorance sont enseignés à la télé. Si tu sais pas et tu t'en fous, c'est que tu es leur prisonnier. Pris au piège, le mot rebelle est aboli. Sauf pour les Ken ou les Poucaves à la police. Se bouger le cul pour son prochain avec des couilles, se rapprocher de la lâcheté, lui reprocher sa haine et puis la repousser. On a gagné le combat, gagné le combat, gagné le combat, car dans le cœur on a la foi. Alors, alors on reste unis en face de Babylone. Nos vies n'ont pas de sens sans les pensées d'un homme. On est des révolutionnaires, des révolutionnaires, des révolutionnaires. On reste unis en face de Babylone. Nos vies n'ont pas de sens sans les pensées d'un homme. On est des révolutionnaires. Alors on reste unis en face de Babylone. Nos vies n'ont pas de sens sans les pensées d'un homme. On est des révolutionnaires.